officiel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décoration, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans. Téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Oui, mais où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un show de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Cémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlina Voyage. Vous avez raison. Avec Arlina, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances ou voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 116 Faubourg Bonnier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Ciel 14h. Michel avec vous jusqu'à 16h pour ce cocktail colorés, chansons, chanteurs et chanteuses, bien sûr, et accordéon de nos régions également, et surtout accordéon musette. démarrer tout de suite cette émission avec le dernier né de CD de Roland Pesard. Et on va se réveiller avec un passe-double, Amigo del Paso. Extrait de son album Sur un air d'accordéon et d'orgue à mon. On continue toujours avec Roland Pesard, c'est la chanson pour l'Auvergnat, une valse. continue bien sûr, cette fois-ci, on chante en châtaigneraie, c'est le nom de l'album de la chorale de Mourgeoux, ils interprètent la pastorale. Petit message personnel, un grand merci à mon ami, un grand merci à mon ami Florent. Et on continue en compagnie de Lucienne Delaine. Lucienne Delaine nous interprète la chapelle au clair de lune. Chapelle au clair de lune, où j'ai tant rêvé de vous, attendant l'heure opportune de nos rendez-vous. Garde nos amours en close. Et je reviens tendrement près d'elle parmi les roses, inlassablement. Quand les fleurs seront fanées et quand l'orgue sera sourd, la chapelle abandonnera, moi je reviendrai. La chapelle au clair de lune, espérant votre retour, verra-t-elle en la nuit brune bénir notre amour. Chapelle au clair de lune n'a pas vu votre retour et je viens dans la nuit brune La chorale de Morgeau nous interprète maintenant le célèbre, sinon plus que célèbre, je crois qu'il bat tous les records, la composition de notre ami Roger Sy, l'étoile des troubadours. Continue les chansons avec Zizi Jeanmaire, La Violettera. la vie pour que tout s'harmonise, se poétise. Des fleurs suffisent, sans aucun artifice, elles ravissent et rajeunissent. Ô seigneurs et señoritas, des doigts de la Carmencita, acceptez ces violettes, c'est du bonheur qu'on achète, le bon Dieu vous le rendra. Seigneur, pour vos señoritas, prenez-moi les fleurs que voilà, pour faire éclore un sourire, pour parler sans rien se dire, rien ne vaut ma violetta. Monsieur a l'air morose, j'en sais la cause. Il est sans compagnie, sans une amie, et il s'ennuie, car la vie sans tendresse et sans caresse, que la tristesse. Beau seigneur sans señorita, des doigts de la Carmencita, acceptez cette fleurette ce soir dans votre chambrette, d'amour elle vous parlera. Aux seigneurs et señoritas, c'est fini, mais songez que là, plus belle vendeuse de violettes ne peut, et je le regrette, vous donner que ce qu'elle a. Eh bien, on va continuer avec Richard Anthony et j'entends siffler le train. Extra bar de Kellogg's, son goût. Petite erreur, un lecteur de CD qui n'a pas démarré, mais enfin ça arrive, on reviendra tout à l'heure. On écoute à nouveau la chorale de Mourgeoux, pardon, et ça s'appelle « Un paysan s'en va », chanson chantée déjà par Marc Michel. Un paysan s'en va, empêche-le de partir, car il est le dernier. Il emporte avec lui ce qui faisait la vie là-bas notre pays. Au nom de quelle idole, à cause de quel progrès, il te faut tout quitter. Toi qui dans ton cœur pourtant désirais qu'une chose, c'est de vivre au pays. Toi ma vieille terre de France, si longtemps cultivée par les gens qui t'aimaient, que se passe-t-il donc qu'il faille aujourd'hui oublier le sillon? Est-ce pour une friche abandonnée des hommes que tu es destiné? Toi qui pourtant savais si bien prendre soin de ces gens qui près de toi vivaient. Un paysan s'en va, empêche-le de partir car il est le dernier. Il emporte avec lui ce qui faisait la vie là-bas notre pays. Au nom de quelle idole, à cause de quel progrès, il te faut tout quitter. toi qui dans ton cœur pourtant désirais qu'une chose, c'est de vivre au pays. Toi qui vivais calme et tranquille, suivant le cours du temps, le rythme des saisons, je te revois parfois t'en allant vers tes champs et en chantant souvent. Chez toi, plein de chichis, tu savais inviter, accueillir et offrir. Tout était toujours simple et vrai, la veuve et l'orphelin chez toi n'avaient plus faim. Un paysan s'en va, empêche-le de partir, car il est le dernier. Il emporte avec lui ce qui faisait la vie, là-bas notre pays. Au nom de quelle idole, à cause de quel progrès, il te faut tout quitter. Toi qui dans ton cœur pourtant, désirais qu'une chose, c'est de vivre au pays. Si ce temps-là a fui pour toujours, nous laissant dans le cœur de si beaux souvenirs, espérer pourquoi pas, qui peut dire aujourd'hui que sera l'avenir. C'est la sédécité de ce grand tourbillon où l'homme doit vieillir. Ils se souviennent que là-bas, un beau coin de terroir est prêt à l'accueillir. Un paysan s'en va, empêche-le de partir, car il est le dernier. Il emporte avec lui ce qui faisait la vie, là-bas notre pays. Au nom de quelle idole, à cause de quel progrès, il te faut tout quitter. Toi qui dans ton cœur pourtant, désirais qu'une chose, c'est de vivre au pays. Eh bien voilà, c'était la chorale de Mourchou. J'ai retrouvé le train. J'entends siffler le train. Et c'est... J'ai perdu le nom. Richard Anthony, j'ai perdu le nom en cours de route. C'est loin où tu t'en vas. Écoute maintenant Sylvie Vartan, la plus belle pour aller danser. Pour cette passion. Quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi, par toi. Quand je fonds de l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. J'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour en mon cœur pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au sein des amours éternels il faut que le la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. André Claveau nous interprète maintenant. Ce sera Cerisier Rose et Pommier Blanc. Nous jouions à la marelle, cerisier rose et pommier blanc. J'ai cru mourir d'amour pour elle en l'embrassant. Avec ses airs de demoiselle, cerisier rose et pommier blanc, elle avait attiré vers elle mon cœur d'enfant. La branche d'un cerisier de son jardin caressait la branche d'un vieux pommier qui dans le mien fleurissait. De voir leurs fleurs enlacées comme un bouquet de printemps, nous vint alors la pensée d'en faire autant. Et c'est ainsi qu'aux fleurs nouvelles, cerisier rose et pommier blanc, on fait un soir la courte échelle à nos 15 ans. Non, ne dites pas qu'à son âge vous n'étiez pas si volage. Non, non, quand deux lèvres vous attirent, j'en sais peu qui peuvent dire non. Quand nous jouions à la marelle, cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle en l'embrassant. Mais un beau jour, les demoiselles, frimousse rose et voile blanc, se font conduire à la chapelle par leur galant. Ah, quel bonheur pour chacun, le cerisier tout fleuri et le pommier n'en font qu'un. Nous sommes femmes et maris, de voir les fruits de l'été naître des fleurs du printemps. L'amour nous a chuchoté d'en faire autant. Si cette histoire est éternelle, pour en savoir le dénouement, apprenez-en la ritournelle, tout simplement. Et dans 3 ans, 3 bébés roses, faisant la ronde gentiment, vous chanteront cerisier rose et pommier blanc. Il y a longtemps que je n'ai pas revu la maison, la rue où j'étais enfant. Il y a longtemps que mon cœur se languit de tous les amis que j'avais avant. Ça fait longtemps que mes chansons m'emmènent et puis m'entraînent aux quatre vents. Et même je peux dire que les années qui passent volent, effacent les souvenirs. Je voudrais tellement revenir sur le chemin des souvenirs pour dire je t'aime aux gens que j'aime et ne plus partir. Je voudrais tellement longtemps que je n'ai pas cueilli un fruit sur un arbre, une fleur des champs. Et si longtemps que je n'ai pas senti le parfum des hortensias au printemps. Tellement d'années que j'ai perdu le goût des choses essentielles qui sont les plus belles. Et même je peux dire que les saisons qui passent volent, effacent les souvenirs. Je voudrais tellement revenir sur le chemin des souvenirs pour dire je t'aime aux gens que j'aime et ne plus pas. Je pense que vous avez retrouvé le nom du chanteur, le chemin des souvenirs par Franck Michael, qui nous interprète maintenant, et on continue. Cette chanson est pour toi. Franck Michael. C'est que j'avais promis de poser ma vie ici. Pourtant je dois partir et te laisser avec ta peine. c'est pour sécher tes larmes à l'encre de mon âme. J'ai composé cette chanson. Des mots sur une mélodie pour que jamais tu ne l'oublies. Dans ton cœur, garde-la, cette chanson est pour toi. Elle pourra chaque jour te chanter mon amour. Rien ne l'effacera, cette chanson est pour toi. Et elle vivra dans l'écho de ma voix. Elle viendra dans tes rêves pour te donner la fièvre et poser sur tes lèvres un doux baiser. C'est de l'amour en héritage que je t'envoie comme un message. Ton cœur, garde-la, cette chanson est pour toi. Je reviendrai un jour la chanter, mon amour, pour que tu n'oublies pas. Cette chanson est pour toi et elle vivra tant que l'amour. Mon arrière-grand-mère m'a conté l'histoire de son mariage. C'est un beau roman du temps passé qui débuta au cours d'un voyage. En ce temps-là, pour aller loin, on connaissait à peine le train et l'on trouvait déjà bien beau la voiture et les chevaux. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en cabotant, voyageur toujours content. Il y avait un vieux notaire, un curé et son bréviaire, une fille à marier, un monsieur très distingué. Le notaire dormait, le curé priait, la belle rougissait en silence. Le monsieur parlait et lui récitait des rondeaux et des sonnets. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en carottant par la pluie et le beau temps. Lorsque les chevaux péniblement avait fait 30 kilomètres, à l'hostellerie du Cheval Blanc, on passait la nuit pour s'en remettre. Pour aller de Paris à Tours, il fallait bien au moins 8 jours. Évidemment, ça donnait le temps de se connaître amplement. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en carottant, voyageur toujours content. Lorsque la côte était dure, il descendait de voiture et poussait allègrement, car c'était le règlement. Le ciel était bleu et le beau monsieur faisait les 12 yeux à la belle, tandis que le curé se disait: oh, ça y est, ces deux-là, je vais les marier. La petite diligence sur les beaux chemins de France arriva enfin à Tours, et c'est tout le roman d'amour c'est toujours pareil en France, mis à part les diligences. Quand on veut se marier, il faut savoir voyager. Il faut savoir voyager. La petite diligence par André Clavon. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Et on continue avec Roland Pesard et Sonore Gamon. Et on va écouter maintenant Pour un flirt. Écoutez maintenant les amis de Sylvie. Composition. Composition de Sylvie Futrac et Jacqueline Sanchez. Sylvie Futrac est une accordéoniste du département du Cher que je devais inviter juste avant le confinement. Donc c'est partie remise, j'espère. On écoute donc Sylvie Futrac dans une chanson intitulée Les amis de Sylvie, une marche de Sylvie Futrac et Jacqueline Sanchez, que voici. Thank you. continue, m'avait demandé Franck Michael, je l'ai passé. On écoute maintenant Marc Michel, La Galinette. Eh bien, Rémi, la conisce, Jacques Labourelle, La Galinette. Bien sûr que la conisce. Il n'y a pas qu'à la loupe. Et allez, on a une joie, donc. Chez nous partout existe encore des gens qui parlent notre patois, nos airs anciens, notre folklore, toutes les belles danses d'autrefois. Sur les sommets de notre Ardèche, il y fait beau, on y est bien. L'air y est bon, la bise fraîche, fier montagnard, chantons ce guerre. Eh bien, on continue, il est 14h57, bientôt, à la pendule de Radio Arc-en-Ciel, on continue jusqu'à 16h. Et on va écouter à l'Orgamon, notre ami Roland Pesard, qui nous interprète Chariot of Fire, Chariot de Feu. écouter à nouveau une composition de Jacqueline Sanchez et Sylvie Futrac, par Sylvie Futrac. Chez Germaine, un samedi soir. Les horaires et les jours de diffusion actuellement de mes émissions, oui, c'est un peu réduit, mais enfin, c'est la situation qui le veut. Le dimanche, c'est l'accordéon de nos régions et l'accordéon musette de 13h à 15h30. Et le lundi, cocktail coloré, chanson, histoire peut-être. Accordéon également, de 14h à 16h. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Et on écoute maintenant Michel Prouvaire. C'est le bal des gens heureux. toute la vie en bleu. On ne fera pas changer une foule qui aime danser. Quand on est un fan du bal, on a la tête pleine d'étoiles et du rêve plein les yeux. C'est le bal des gens heureux. Et pas question de rester bien ainsi. On est un fan du musette. Tout le monde s'élance en poussant un grand cri pour partager l'esprit de fête. On se défoule, on tape dans les mains. Ce soir on est cool, on est entre copains. Une seule envie, ne pas être sérieux, en ligne ou bien à la gueule-le. C'est pour cela qu'il faut crier très fort. La musique encore, encore. C'est le bal des gens heureux qui voient toute la vie en bleu. On ne fera pas changer une foule qui aime danser. Quand on est un fan du bal, on a la tête pleine d'étoiles et du rêve plein les yeux. C'est le bal. Et on revient un petit peu en arrière au point de vue temps, point de vue date, avec les compagnons de la chanson, Mes jeunes années. Mes jeunes années courent dans la montagne, courent dans les sentiers, plein d'oiseaux. Loin des sources vagabondes, loin des fraîches chansons des eaux, loin des cascades qui grondent. Je songe, et c'est là ma chanson, au temps béni des premières saisons. Mais je blonde avec Eddie Constantine. La nuit tombée dans la plaine, les feux du régiment scintillent par centaines comme des vers luisants. Tandis que sous les étoiles sont croisés les fusils, dans mon abri d'étoiles, tous mes rêves me sourient. Je m'en vais revoir ma blonde, je vais revoir mamie, puisqu'on dit à la ronde que la guerre est finie. Tous les gardes par le monde seront de mon avis, rien ne vaut une blonde pour vous faire aimer la vie. Dans le grenier j'irai prendre mes frusques de soldats, pour mettre sans attendre mon bel habit de drap. Et le soir comme naguère, nous jouerons du banjo, assis sur la barrière du vieux penche au bord de l'eau. Je m'en vais revoir ma blonde, qu'au pays j'ai laissé. Lorsque le canon gronde, s'en vont les fiancés. Tous les gardes par le monde seront de mon avis. Rien ne vaut une blonde pour vous faire aimer la vie. Quand viendront nos fiançailles, le fifre et le tambour, qui menaient aux batailles, conduiront nos amours. Je n'ai pas cherché la gloire, j'ai voulu le bonheur, et ma seule victoire, c'est d'avoir gagné son cœur. Je m'en vais revoir ma blonde, je vais revoir mamie, puisqu'on dit à la ronde que la guerre est finie. Tous les gardes par le monde seront de mon avis. Rien ne vaut une blonde pour vous faire aimer la vie. Rien ne vaut une blonde pour vous faire aimer la vie. Michel Prévost nous interprète à Madison Celtic, danser la Bretagne. C'était tout en mini, des grands balles populaires. On était jeunes, on était vieux. Traverser la France, ses villes et ses villages, et ses milliers de salles de danse. On allait même jouer jusqu'au bout de la terre, là-bas tout près de l'océan. Nous les petits gars dès lors, c'était bien exotique d'aller jouer en Armorie. De Brest à Quimper, on faisait danser la Bretagne, de l'Orient à Paimpol, on était comme des idoles. Samedi au dimanche, on faisait danser la Bretagne. Que de souvenirs j'ai gardé de ces années folles. De bons et barbus, on était les pionniers. Et puis on est tous arrivés. Les Caraïbes de l'île, j'étais Mike Davidson. On avait tous élan qui sonne. De Brest à Quimper, on faisait danser la Bretagne. De l'Orient à Paimpol, on était comme des idoles. Du samedi au dimanche, on faisait danser la Bretagne. Que de souvenirs j'ai gardé de ces années folles. Guillaume et Mustéchion et Michael Forman ont joué au fin fond des campagnes. Les castors de Blanca et Sébastien Non-Stop, on était les rois de la pop. De Brest à Quimper, on faisait danser la Bretagne. De l'Orient à Paimpol, on était comme des idoles. Du samedi au dimanche, on faisait danser la Bretagne. Que de souvenirs j'ai gardé de ces années folles. À Ploudun, à la Pazée, à Bervin, chez Roger, les salles étaient pleines à craquer. À 15h à l'entrée, une file sans fin de filles qui nous attendaient. De Brest à Quimper, on faisait danser la Bretagne. De l'Orient à Paimpol, on était comme des idoles. Du samedi au dimanche, on faisait danser la Bretagne. Que de souvenirs j'ai gardé de ces années folles. Thank you. écouter maintenant Jean Donat qui nous interprète Charmen. Jean Donat, pour ceux qui se rappellent peut-être de mon âge ou même plus jeune, dans les années 50-60, c'était l'animateur de France Inter qui, la nuit de samedi à dimanche, présentait en direct les thés dansants en province, un peu partout. Alors il nous interprète Charmen. Jean Donat. Le plus beau roman de ma vie, Charmaine, c'est vous dont jamais je n'oublie les yeux si bleus, si doux. C'est vous qui, malgré mes folies, restez mon seul amour, la seule que j'aime et que j'aime toujours. Charmaine, Charmaine, c'est vous. Tous les amants ont leur chanson, j'avais la mienne aussi. Et si je pleure sans raison, l'amour qui s'est enfui, il m'est pourtant resté cet air que je chantais. Le plus beau roman de ma vie, Charmaine, c'est vous dont jamais je n'oublie les yeux si bleus, si doux. C'est vous qui, malgré mes folies, restez mon seul amour, la seule que j'aime et que j'aime toujours. Charmaine, Charmaine, c'est vous. Malgré mes folies, restez mon seul amour, la seule que j'aime et que j'aime toujours. Charmaine, Charmaine, on revient à quelques instants avec Michel Pruvot et tout d'abord ce sera L'amour c'est comme les anges. Michel Pruvot. plein mystère, je vole dans un grand tourbillon qui tourne au-dessus des maisons. Oui, l'amour c'est comme les anges, une jolie planète étrange, un bruissement d'ailes qui nous ensorcelle. C'est un rêve à deux, inondé de bleu, et c'est merveilleux. La belle tarentelle, toujours avec Michel Prévost. 15h23 minutes. Nous chante maintenant à 15h25, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Nous interprète maintenant L'âme des poètes. Longtemps, longtemps, longtemps, après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. On change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la. Longtemps, longtemps, après que les poètes ont disparu, leur chanson court encore dans les rues. Que les poètes ont disparu, leur chanson court encore dans les rues, leur âme légère et leur chanson qui rend gai, qui rend triste. Artiste ou vagabond. Thank you. Tango avec Claude Robin. Je veux garder à moi. Viens, notre nuit sera belle. Toi, qu'un seul mot fait sourire ou pleurer. Viens, ne sois pas si rebelle de ce baiser. Que bientôt tu me donnes à ton tour. Je veux garder l'espoir au mon amour. Comme l'oiseau s'évade à l'aventure. Déjà tes yeux cherchent notre ciel bleu. C'était trop beau pour que vraiment ça dure. En attendant, profitons du présent. vois mon bonheur fidèle ou passager. Viens, je vis par toi-même, toi dont le cœur dès demain peut changer. Je veux t'aimer quand même, toi que pour autant je pardonne toujours. Viens, puisque c'est toi que j'aime, aussi longtemps que la vie protégera mes jours. Je fais serment en toi, oh mon amour, toi, toi, toi. Mes mains. Mes mains dessinent dans le soir la forme d'un espoir qui ressemble à ton corps. Mes mains, quand elles tremblent de fièvre, c'est de nos amours brèves qu'elles se souviennent encore. Mes mains caressent dans leurs doigts des riens venant de toi, cherchant un peu de joie. Mes mains se tendent en prière vers ton ombre légère, disparue dans la nuit. Mes mains, elles t'aiment à la folie, d'un amour infini, elles t'aiment pour la vie. As-tu déjà effacé ce passé qui m'obsède? As-tu déjà oublié ces mains qui ont tout donné? Mes mains qui voudraient caresser un jour sont lassées d'attendre ton retour. Mes mains, elles iront te chercher là où tu t'es caché avec un autre amour. Mes mains, dédaignant les prières, trembleront de colère et je n'y pourrai rien. Mes mains, pour toujours dans la nuit, emporteront ta vie. Mais puisque tu le sais, reviens, et tout comme autrefois, elles frémiront pour toi dans la joie retrouvée. Reviens, ne les repousse pas, ces mains tendues vers toi, et donne-leur tes mains. Eh bien, on écoute un peu d'accordéon maintenant avec Erika, la princesse belge de l'accordéon. Et on va écouter « Il fait beau, il fait bon », c'est le cas de le dire. Et c'est donc avec Erika. 96.2. La FM en couleur. Eh bien, entre deux morceaux d'accordéon, on va écouter un petit Berlaudio, n'est-ce pas? Pour pas perdre la main, Berlaudio, le chanteur. Bien. Par contre, vous savez une chose, c'est qu'il a un petit-fils. Il a un petit-fils, et alors lui, ça va vraiment très bien. Je le rencontre l'autre jour, il fait « Salut papa, je suis pas son père, mais le temps qu'il dise Patrick. Hein. Ça va ?» Ben, dis-moi, ça va, et toi ? Ben, dis-moi, ça boum, hein. Ça va, je suis drôlement concon, ben, je dis ça, je le savais. Ça. Non, je suis concon, content. Ah bon, t'es content ? Ah ben, tu penses, j'ai trouvé un boulot. Ah bon, t'as trouvé du boulot, toi? Ah ben, je suis drôlement con. Oui, mais répète pas ça, je dis, je le sais. Non, mais je suis chanteur dans un grand orchestre. Quoi? Toi, t'es chanteur d'un orchestre? Ah, mais dans le fond, t'as raison, c'est vrai, on m'a toujours dit, quand un bec, quand il chante... Il bégaye plus, mais pour moi, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Je suis chanteur d'orchestre chez Dada à Longchamp. Non, chez Dada à Auteuil. Non, chez Dada, David Martial. T'es chanteur d'orchestre chez David Martial? Ah bah, je veux, c'est moi qui a créé le grand succès. C'est l'hymen. Bien voilà, on va bien. On va bientôt se quitter pour se retrouver. Pour se retrouver dimanche de 13h à 15h30. On va écouter une petite histoire maintenant, je pense, après un morceau d'accordéon. Une petite histoire de Jean-Yann avec Laurence Lesner. Et ça s'intitule L'auto-école, le permis de conduire. Code de la route. Enfin, avec moi, pas question de passe droit. Premier candidat. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Bonjour, monsieur. Monsieur, vous vous trouvez sur une route à grande circulation, n'est-ce pas? Vous croisez une route départementale dont la largeur est double de celle d'un chemin vicinal, oui. Qui la prolonge au sud-ouest d'une ligne médiane tracée par le bas-côté d'une route secondaire parallèle à celle que vous venez d'éviter, en empruntant le trajet inverse de celui inscrit sur un panneau indicateur placé derrière vous. Il pleut, votre essuie-glace tombe en panne, que faites-vous? Hein? Ben, je vous ai posé une question précise, monsieur, je vous prie de répondre. Hein? Oui, bon, vous ne savez pas. Eh bien, vous reviendrez dans 3 mois, monsieur. Recalé. Merci beaucoup. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Dégagez parce qu'il y a d'autres candidats, monsieur. Merci. Ouais. Oui, c'est ça. Bravo. Suivant. Candidat suivant. Suivant. Papa, là, hein? Oui, monsieur, oui. Pour jouer avec l'homme. Oui, asseyez-vous. On a le temps de prendre un petit remontant avant l'examen, non? Bien sûr, monsieur, bien sûr. On n'est pas les animaux, quand même. Vous êtes bien installé, ça va comme vous voulez. Ben, ça me gêne un peu les genoux, là. Ah oui? Oui, c'est une petite voiture. Ben oui, puis j'ai des gros genoux, alors... Ça me donne les genoux. Oui, oui. La prochaine fois, on prendra un autocar. Ben, il y a intérêt, parce que je changerai pour mes genoux. Bon, monsieur, première question. Vous montez dans votre voiture, celle-ci ne veut pas démarrer. Que faites-vous? Est-ce que je sais, moi? Ah ben, vous feriez bien de savoir. Vous montez dans votre voiture, elle ne démarre pas. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je descends. Ah oui, la manivelle. Non, je descends, puis je file un grand coup de pompe dans cette saloperie de bagnole. Et après, j'ouvre le capot, je prends une clé à molette et je casse le moteur en 1000 morceaux. Je frappe, je cogne. Parce que je suis pas du genre à me laisser emmerder par un tas de ferraille, hein. Et puis pas par autre chose non plus, d'ailleurs. Suis-je assez clair? Bon. Autre chose, monsieur. Ouais. À présent... Vous arrivez à un carrefour. Un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Je passe. Je passe et puis j'y roule sur le buffet. Et au passage, j'ouvre ma portière et j'y balance un bon coup de pompe dans la poire par la même occasion. Monsieur, c'est pas un flic qui va faire la loi, non? Prenez pas tout le siège. Bon, maintenant, vous êtes sur une route départementale. Ah, ben, ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale. Mais... j'y vais jamais sur les routes départementales. Ah, mais... c'est plein de boue et ça sent mauvais. Mais j'entends bien, monsieur, mais c'est une supposition. Vous êtes sur une route départementale? Non. Je suis pas sur une route départementale. Je viens de vous dire que j'y mettais jamais les pieds sur les routes départementales. J'aime pas ça, les routes départementales. J'ai les routes départementales. Les routes départementales, rien que de m'en causer, ça me donne envie d'envoyer les mandales dans la tronche à tout ce qui remue. Mais en admettant... Oh, je vais me le farcir. Quoi? Ah, je vais être obligé de me le farcir, le petit asticot. Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Ben, oui, mais... est-ce que je vous en pose des questions? Ou est-ce que je vous en pose? Non, monsieur. Ah? Est-ce que je vous demande qu'est-ce que vous faites s'il se passe ceci? Qu'est-ce que vous faites s'il se passe cela? Du tout, monsieur. Est-ce que je vous oblige à aller sur une route départementale? Ah, mais qu'est-ce que j'irai faire? Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez cette tête d'abruti? Ouais? Et pourquoi ça fait un bruit d'évier quand je l'ai remue? Hein? La seule chose que je vous demande, c'est si vous me le donnez, mon permis, oui ou non? Ah! Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps en formalité, hein? Cocktail coloré de ce lundi se termine. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, une bonne semaine, et je vous donne rendez-vous dimanche à partir de 14h. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. À partir de 13h. J'arriverai jamais à me rappeler les horaires. À bientôt. Et vous n'aurez pas cet après-midi votre ami Francky, After Work, le nom de son émission, revient autour du 15 août, je crois. Un peu trop tôt, un peu trop tôt, il y aura d'autres musiques. d'autres bals, d'autres soirs de gala. On aura des nuits magiques. Et dans quelques instants, RDP en direct du Portugal. Et des bonsoirs. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt. Mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt.